بسم الله الرحمن الرحيم. فندخل اليوم في الدرس 93 93e leçon dans باب التفسير, le livre du tafsir, qui ne sera qu'en un seul cours et qui sera résumé et courté, car bon nombre de questions concernent principalement les arabophones et ces douloureux sont principalement tournés pour les non-arabophones, bien évidemment. Donc il y a plein de questions qui sont sauter pour citer celles qui seront, qui me paraissent comme étant les plus mauvaises dedans, autant que possible. Car même évidemment, si certains ne sont pas arabophones, ils ont déjà appris, alhamdoulilah, ils ont mémorisé du Coran, et peut-être qu'ils s'interrogent à propos de certaines civilisations, même de certains mots. Taïm. Baqala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala, fi sawal al-thani wa tis'in bar 600, 692e question. Bimaza yufassar le Coran. Par quoi est-ce que le Coran peut être interprété? Par quoi on fait l'exégèse du Coran? Par quatre choses. En premier lieu, le Coran mi Coran. On explique le Coran par le Coran. C'est-à-dire des versets, on explique d'autres. D'ailleurs, c'est la spécificité du tafsir de l'imam Shankiti, qui est Adwa al-Bayan, qui est un Coran, un tafsir du Coran, qui est expliqué par le Coran en lui-même. Des versets, on explique d'autres. Deuxièmement, un Coran bi sunnah, qu'on explique le Coran par la sunnah authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, un Coran bi kalam al sahaba wa tabi'in, on explique le Coran par la parole des sahaba qui nous expliquent le Coran, car ils étaient là pendant sa révélation, pendant sa descente. Donc ce sont les gens les plus savants à savoir pourquoi tel verset est descendu, pourquoi tel verset est descendu, et pourquoi, qu'est-ce que veut dire tel verset, qu'ils auront entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui les en informe, ou alors ils l'auront vu agir. Également les tabi'in, c'est-à-dire la génération qui vient après les sahaba. Et quatrième, un Coran bil-lughati al-arabiyya, que le Coran, on l'explique par la langue arabe, ce qui demande d'être arabophone. Et d'ailleurs, il n'est pas permis pour les gens qui ne parlent pas la langue arabe de s'aventurer à interpréter le Coran. Cela n'est pas permis pour eux. Donc ce montre bien que le tafsir, et d'ailleurs le tafsir c'est parmi la plus noble des sciences, car à la base c'est l'explication du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de là que en découlent les autres sciences. C'est de là que vient même l'aqidah, d'accord, même dans le fiqh. Tout cela vient du Coran en premier lieu, puis de la sunna, qui l'explique et qui le clarifie. Donc on n'explique pas le Coran avec nos raisons, avec nos têtes, notre logique, comme certains font, ou s'amuse à aller prendre des faits مثلاً, scientifiques, des découvertes scientifiques modernes ou des choses liées à l'actualité pour dire ce verset veut dire telle chose. On dit non, on commence par les quatre choses citées là, et ensuite si un fait d'actualité coordonne, pas de mal à ce qu'on le cite par la suite, mais on ne vient pas avec en premier, d'accord, on ne vient pas avec en premier. Le Coran se explique par ces quatre points là. ثم قال في السؤال الثالث والتسعين بعد 600 693 question. اذكر ثلاثة من التفاسير المفيدة. Cite trois livres d'exégèse qui sont très profitables. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais chez les gens de la Sunna, les plus connus et les plus référentiels sont en premier lieu le tafsir de Ibn Jarir al-Tabari, Abu Ja'far, qui est le premier à avoir écrit dans le tafsir. Ensuite, celui de Ibn Kathir, qui est connu, qui s'appelle El Tafsir Qur'an Azim. Il est connu, ce tafsir-là. Certains disent que c'est un résumé du tafsir de Ibn Jarir, et d'autres disent non. Il a beaucoup profité du tafsir d'Ibn Jarir, mais il a ajouté d'autres choses venant de lui. C'est-à-dire d'autres choses, d'autres fawaïd venant de lui. Et troisième, très connu, c'est le tafsir d'Al-Barawi. Al-Barawi, qui est très connu. Et à cette époque, parmi les contemporains, par exemple, il y a celui que nous avons cité de Shir Mohamed El-Amin et Shankiti, d'accord, qui est une référence, et également celui de l'imam Abdurrahman El-Sa'adi, qui lui est résumé et très simple. Résumé et très simple, qui se base sur le sens des versets et les sagesses à en tirer. Non, mais il y en a beaucoup d'autres, d'accord, il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là sont parmi les plus connus et sont les meilleurs. ثم قال في السؤال التاسع والتسعين بعد 600 697e question. جاء لفظ الأمة في القرآن لأربعة معانٍ. ما هي؟ Que le mot أمة est venu avec quatre, dans le Coran, avec quatre significations différentes. Le mot Umma. Donc en premier lieu, le mot qui est le sens qui est le plus connu et employé, c'est le sens de communauté, groupe. Kama qala ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens. Surat Al-Imran, verset 110. Donc le mot Umma, en général, il est employé comme cela chez les gens. Mais dans le Coran, il a d'autres sens. Également, il a également le sens d'un imam, d'un guide que l'on prend comme référence. Kafi qawlihi ta'ala, inna Ibrahim kana ummatah. Que Ibrahim était un imam, un guide à suivre. À lui tout seul. Hein? Dans surat An-Nahl, les abeilles, verset 120. كذلك الفترة من الزمن, c'est-à-dire une époque ou un temps, une période, une durée dans le temps. كما قال تعالى وذكر بعض أمة, qu'il s'en est souvenu après un certain temps. Donc là le mot أمة est venu pour signifier un temps précis. Dans surat Yusuf verset 45. Et كذلك الملة, c'est-à-dire une religion. Une religion, comme a dit Allah, inna wajadna aba'ana ala ummah, que nous avons trouvé nos pères sur une religion. Ça, c'est la réponse des je crois du peuple de Ibrahim. Wa nabi muqtadun ou fi hada al-ma'na. طيب, le muhim, c'est que le mot ummah là veut dire une religion, une forme d'adoration. Une façon d'adorer, on va dire. Zukhruf, ornement, verset 22. Donc, on répète. Quel sens pour Umma, qui veut dire communauté, qui veut dire un imam, un guide à suivre, qui veut dire un temps précis, et qui veut dire également une façon d'adorer une religion. Soma qala fi sawal al-thamin wa tisin bar 600 698e question. Ma ya asura allati qara'aha Abu Sa'id al-Khudri ala al-Mardou' وكانت رقية. Quelle est la sourate que Abu Saïd a récité sur cet homme qui s'était fait mordre d'une morsure venimeuse, qui s'est fait piquer, on va dire, et que cette sourate fut au fils de Ruqya. Ce fut sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha. Qui veut dire que pour faire Ruqya, ce n'est pas la peine de connaître le Coran forcément par cœur, comme des gens s'imaginent, ou de connaître beaucoup du Coran. Simple fait d'avoir sourate al-Fatiha. Al-Mu'azzatan, mathalan, Surat al-Nas, ou Al-Falaq, par exemple, Ayat al-Kursi. Cela suffit pour faire ruqya. À soi-même, à ses enfants qui sont malades, ou à l'Alika. Car la force de la ruqya n'est pas forcément dans le Coran, mais dans la sincérité du récitateur, et de son tawakkul, et de son retour vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et également sur celui sur qui on récite. Celui qu'on récite, il faut qu'il sache que cela vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que cette ruqya n'est qu'un kassabem. Car des gens ont malheureusement un problème dans la croyance et se mettent à attribuer des particularités divines au récitateur en croyant que c'est lui qui récite, ou croire que cet homme-là en particulier est en mesure de faire des choses. Et cela peut amener à une croyance yani shirkiya. Donc faire attention. Faire attention à cela. Donc comme dans l'histoire où Abu Sa'id, ainsi qu'un groupe de Sahaba, se trouvait dans un secteur des Arabes. Et ces derniers ne les ont pas accueillis, ne les ont pas hébergés. Puis par la suite, un des chefs de ces Arabes, chez qui ils se trouvaient, du moins chez qui ils sont dans le secteur dans lequel ils se trouvaient, a été mordu ou piqué par une bête venimeuse. Donc ils leur ont demandé, c'est-à-dire aux Sahaba, de leur faire ruqya. Et ils leur ont reproché, ils ont dit, vous ne nous avez pas accueillis, vous ne nous avez pas hébergés, pourquoi on va faire ruqya? Il a dit, on ne le fera pas tant que vous ne donnerez pas en échange quelque chose, en contrepartie. Et ils leur ont donné une partie d'une brebis, c'est-à-dire de la viande. De la viande. Et de là, Abu Sa'id s'est mis à rester sur lui, Al-Fatiha. Et de là, cet homme fut guéri. Cet homme fut guéri. Bi'idhnillahi ta'ala. Et ensuite, les Sahaba doutèrent, est-ce qu'il leur était permis de prendre cette viande ou pas? Donc ils ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il leur a été permis de manger cette viande? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rigolé, il a dit « Wa ma adraka anha ruqya » Et comment tu sais qu'elle était ruqya? C'est-à-dire qu'il a confirmé que Al-Fatiha était une ruqya. Il a dit « Khuzuha wa dribouli bi sahmin » Il a dit « Prenez la viande et donnez-moi-en un bout » pour dire « Je partage avec vous » et qu'il cautionnait cet acte. Rapporté par le Bukhari au muslim. Et de là, ce hadith démontre qu'on peut prendre un salaire en échange du ruqya. Comme dans le hadith « Ahaq ma khatum alayhi ujra kitabullah » Que la chose sur laquelle il vous a encore plus, vous êtes plus en droit de prendre un salaire, c'est le livre d'Allah. Et certains ulama comme Cheikh Mokbil, d'accord, comme Cheikh Mokbil, voient que ce hadith-là, à la base, est venu pour la ruqya. C'est-à-dire, celui qui fait la ruqya est en droit de demander un salaire. Et d'autres ulama ont vu plus large, ils ont dit que le fait d'enseigner le Coran, il est permis à celui qui enseigne le Coran, qui s'y consacre, d'accord, qui s'y consacre, qui passe son temps à cela, et qui ne peut avoir d'autres occupation pour pouvoir gagner sa vie, de prendre un salaire. Et ça, c'est propre que pour le Coran. Contre d'autres sciences, comme par exemple dans le hadith ou dans les durus de façon générale, les salafs détestaient cela. Et même mettaient en garde contre ceux qui enseignaient le hadith en échange d'un salaire. Et cela était autorisé à certains individus particuliers pour la grande pauvreté qu'ils avaient, la grande famille qu'ils avaient et du fait que les gens avaient besoin de leur science. Sans quoi cela n'est pas parti de la voie des salafs, de prendre de l'argent, de prendre un salaire en contrepartie de l'enseignement religieux. Et là, on parle du fait de demander un salaire à l'étudiant. Maintenant, demain, une université qui s'ouvre, une école qui s'ouvre, il paye les enseignants, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Là, on parle de celui qui enseigne et qui dit aux étudiants, si tu veux que je t'enseigne, paye-moi. Ça, c'est une chose qui est très blâmable. Et encore plus, aujourd'hui, en cette époque, on voit des gens qui sont très ignorants et qui, justement, prennent ce procédé-là. Eux-mêmes n'ont pas appris ou très peu appris et se permettent de demander une chose, demander de l'argent pour c'est une chose qu'ils peut-être n'ont même pas maîtrisé, qu'ils ne sont pas en droit de donner comme il se doit. Donc faire attention à cela, d'accord. Ils ont fait de l'enseignement, de la darwa, comme étant un gagne-pain, un moyen de gagner leur vie. Wal'iyadhu billah. Et même nous étions d'avis que, même pour le Coran, comme Cheikh Mokbil le disait, tu ne prends pas le salaire, mais en réalité, à la suite, après avoir vu les paroles des autres ulama, cela paraît comme étant permis, comme le prouve ce hadith-là, qui est beaucoup plus large. Car la règle qui dit que la cause, même d'un hadith ou d'un verset, n'est pas à particulariser pour la cause pour laquelle cela se produit, mais pour la généralité qu'englobe les termes. Et là, le terme, il est général. La chose sur laquelle le plus en droit de prendre un salaire, c'est le livre d'Allah, Azzawajal. Donc, même pour l'enseigner. Donc, il apparaît comme cela comme étant permis d'enseigner le Coran pour celui qui s'y consacre. On dit bien qu'il s'y consacre et qu'il ne peut faire autrement, qu'il n'a pas le temps pour travailler, que d'enseigner le Coran pour les gens et qui est en droit de le faire, c'est-à-dire qui est quelqu'un qui a de la science, qui sait le faire. Pas un imposteur ou un ignorant qui prend une place qui n'est pas la sienne. On parle de quelqu'un qui connaît, qui a appris et qui a envie d'en apprendre aux gens. Non. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et c'était le dernier ders dans le livre de Al-Qur'an wa Ulumihi, qui était Kitab Tafsir. Et dans le ders précédent, nous allons rentrer dans Kitab Al-Fiqh, dans ce qui touche à la jurisprudence. Fabien Al-Qad Naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.